Le manuscrit C. Ma mère bien-aimée, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. Ce doux chant, je l'avais commencé avec votre fille chérie, Agnès de Jésus, qui fut la mère chargée par le bon Dieu de me guider au jour de mon enfance. C'était donc avec elle que je devais chanter les grâces accordées à la petite fleur de la Sainte Vierge lorsqu'elle était au printemps de sa vie. Mais c'est avec vous que je dois chanter le bonheur de cette petite fleurette, maintenant que les timides rayons de l'aurore ont fait place aux brûlantes ardeurs du midi. Oui, c'est avec vous, mère bien-aimée, c'est pour répondre à votre désir que je vais essayer de redire les sentiments de mon âme, ma reconnaissance envers le bon Dieu, envers vous qui me le représentez visiblement. N'est-ce pas entre vos mains maternelles que je me suis livrée entièrement à lui? Ô ma mère, vous souvient-il de ce jour? Oui, je sens que votre cœur ne saurait l'oublier. Pour moi, je dois attendre le beau ciel. Ne trouvant pas ici-bas de paroles capables de traduire ce qui se passa dans mon cœur en ce jour béni. Mère bien-aimée, il est un autre jour où mon âme s'attacha plus encore à la vôtre, si c'est chose possible. Ce fut celui où Jésus vous imposa de nouveau le fardeau de la supériorité. En ce jour, ma mère chérie, vous avez semé dans les larmes, mais au ciel vous serez remplie de joie en vous voyant chargée de gerbes précieuses. Ô ma mère, pardonnez ma simplicité enfantine. Je sens que vous me permettez de vous parler sans rechercher ce qu'il est permis à une jeune religieuse de dire à sa prieure. Peut-être ne me tiendrai-je pas toujours dans les bornes prescrites aux inférieurs, mais, ma mère, j'ose le dire, c'est votre faute. J'agis avec vous comme une enfant, parce que vous n'agissez pas avec moi en prieur, mais en mère. Ah, je le sens bien, mère chérie, c'est le bon Dieu qui me parle toujours par vous. Bien des sœurs pensent que vous m'avez gâtée, que depuis mon entrée dans l'Arche Sainte, je n'ai reçu de vous que des caresses et des compliments. Cependant, il n'en est pas ainsi. Vous verrez, ma mère, dans le cahier contenant mes souvenirs d'enfance, ce que je pense de l'éducation forte et maternelle que j'ai reçue de vous, du plus profond de mon cœur. Je vous remercie de ne pas m'avoir ménagé. Jésus savait bien qu'il fallait, à sa petite fleur, l'eau vivifiante de l'humiliation. Elle était trop faible pour prendre racine sans ce secours. Et c'est par vous, ma mère, que ce bienfait lui fut dispensé. Depuis un an et demi, Jésus a voulu changer la manière de faire pousser sa petite fleur. Il l'a trouvée sans doute assez arrosée, car maintenant c'est le soleil qui l'a fait grandir. Jésus ne veut plus pour elle que son sourire, qu'il lui donne encore par vous, ma mère bien-aimée. Ce doux soleil, loin de flétrir la petite fleur, l'a fait pousser merveilleusement. Au fond de son calice, elle conserve les précieuses gouttes de rosée qu'elle a reçues, et ces gouttes lui rappellent toujours qu'elle est petite et faible. Toutes les créatures peuvent se pencher sur elle, l'admirer, l'accabler de leurs louanges. Je ne sais pourquoi, mais cela ne saurait ajouter une seule goutte de fausse joie à la véritable joie qu'elle savoure en son cœur, se voyant ce qu'elle est aux yeux du bon Dieu. Un pauvre petit néant, rien de plus. Je dis ne pas comprendre pourquoi, mais n'est-ce pas parce qu'elle a été préservée de l'eau des louanges tout le temps que son petit calice n'était pas assez rempli de la rosée de l'humiliation? Maintenant, il n'y a plus de danger, au contraire. La petite fleur trouve si délicieuse la rosée dont elle est remplie qu'elle se garderait bien de l'échanger pour l'eau si fade des compliments. Je ne veux pas parler, ma mère chérie, de l'amour et de la confiance que vous me témoignez. Ne croyez pas que le cœur de votre enfant y soit insensible. Seulement, je sais bien que je n'ai rien à craindre maintenant. Au contraire, je puis en jouir, rapportant au bon Dieu ce qu'il a bien voulu mettre de bon en moi. S'il lui plaît de me faire paraître meilleur que je ne suis, cela ne me regarde pas. Il est libre d'agir comme il veut. Ô ma mère, que les voies par lesquelles le Seigneur conduit les âmes sont différentes. Dans la vie des saints, nous voyons qu'il s'en trouve beaucoup qui n'ont rien voulu laisser d'eux après leur mort. Pas le moindre souvenir, le moindre écrit. Il en est au contraire comme notre mère Sainte Thérèse, qui ont enrichi l'Église de leurs sublimes révélations, ne craignant pas de révéler les secrets du roi, afin qu'il soit plus connu, plus aimé des âmes. Lequel de ces deux genres de simples est le mieux au bon Dieu? Il me semble, ma mère, qu'ils lui sont également agréables, puisque tous ont suivi le mouvement de l'Esprit Saint, et que le Seigneur a dit « Dites au juste que tout est bien ». Oui, tout est bien, lorsqu'on ne recherche que la volonté de Jésus. C'est pour cela que moi, pauvre petite fleur, J'obéis à Jésus en essayant de faire plaisir à ma mère bien-aimée. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Quel sera-t-il pour moi cet âge avancé? Il me semble que ce pourrait être maintenant, car 2000 ans ne sont pas plus aux yeux du Seigneur que 20 ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désire vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'au déclin du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. Maintenant qu'il semble s'approcher d'elle, pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit. Depuis longtemps, elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que des autres, pour faire du bien sur la terre. Ma mère, pardonnez-moi si je vous attriste. Ah, je voudrais tant vous réjouir. Mais croyez-vous que si vos prières ne sont pas exaucées sur la terre, si Jésus, pour quelques jours, c'est par l'enfant de sa mère, ses prières ne le seront pas au ciel. Votre désir est, je le sais, que j'accomplisse près de vous une mission bien douce, bien facile. Cette mission, ne pourrais-je pas l'achever du haut des cieux? Comme Jésus le dit un jour à saint Pierre, vous avez dit à votre enfant, paix mes agneaux. Et moi, je me suis étonnée. Je vous ai dit être trop petite. Je vous ai supplié de faire vous-même paître vos petits agneaux et de me garder, de me faire paître par grâce avec eux. Et vous, ma mère bien-aimée, répondant un peu à mon juste désir, vous avez gardé les petits agneaux avec les brebis, mais en me commandant d'aller souvent les faire paître à l'ombre, de leur indiquer les herbes les meilleures et les plus fortifiantes, de bien leur montrer les fleurs brillantes auxquelles ils ne doivent jamais toucher, si ce n'est pour les écraser sous leurs pas. Vous n'avez pas craint, ma mère chérie, que j'égare vos petits agneaux. Mon inexpérience, ma jeunesse, ne vous ont point effrayée. Peut-être vous êtes-vous souvenu que souvent le Seigneur se plaît à accorder la sagesse aux petits, et qu'un jour, transporté de joie, il a béni son Père d'avoir caché ses secrets aux prudents et de les avoir révélés aux plus petits. Ma mère, vous le savez, elles sont bien rares les âmes qui ne mesurent pas la puissance divine à leur courte pensée. On veut bien que partout sur la terre il y ait des exceptions. Seul le bon Dieu n'a pas le droit d'en faire. Depuis bien longtemps, je le sais, cette manière de mesurer l'expérience aux années se pratique parmi les humains. Car en son adolescence, le saint roi David chantait au Seigneur « Je suis jeune et méprisé ». Dans le même psaume 118, il ne craint pas de dire cependant « Je suis devenu plus prudent que les vieillards, parce que j'ai recherché votre volonté. Votre parole est la lampe qui éclaire mes pas. Je suis prêt d'accomplir vos ordonnances et je ne suis troublé de rien. » Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oh ma mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des genres d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre, mais si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et dans la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Ô ma mère, il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes. Car y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne, si l'on en juge aux apparences? Ah, si l'épreuve que je souffre depuis un an apparaissait au regard, quel étonnement! Mère bien-aimée, vous la connaissez cette épreuve, je vais cependant vous en parler encore, car je la considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre prieurat béni. L'année dernière, le bon Dieu m'a accordé la consolation d'observer le jeûne du carême dans toute sa rigueur. Jamais je ne m'étais sentie aussi forte, et cette force se maintint jusqu'à Pâques. Cependant, le jour du Vendredi Saint, Jésus voulut me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Oh, qu'il m'est doux ce souvenir! Après être restée au tombeau jusqu'à minuit, je rentrais dans notre cellule. Mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller, que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir, et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre au matin pour m'assurer de mon bonheur, car il me semblait que c'était du sang que j'avais vomi. Le matin ne se fit pas longtemps attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre. Et en m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompée. Ah, mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadée que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulait me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Ce fut avec une bien grande ferveur que j'assistais à prime et au chapitre des pardons. J'avais hâte de voir mon tour arriver afin de pouvoir, en vous demandant pardon, vous confier, ma mère bien-aimée, mon espérance et mon bonheur. Mais j'ajoutais que je ne souffrais pas du tout, ce qui était bien vrai. Et je vous supplie, ma mère, de ne me donner rien de particulier. En effet, j'eus la consolation de passer la journée du Vendredi Saint comme je le désirais. Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer, mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis née dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondé, transfiguré par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont point compris que ce divin roi était la lumière du monde. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voulez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi, ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur. » Car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime. Je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve. jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Ma mère bien-aimée, ce que je vous écris n'a pas de suite. Ma petite histoire, qui ressemblait à un conte de fées, s'est tout à coup changée en prière. Je ne sais pas quel intérêt vous pourrez trouver à lire toutes ces pensées confuses et mal exprimées. Enfin, ma mère, je n'écris pas pour faire une œuvre littéraire, mais par obéissance. Si je vous ennuie, du moins vous verrez que votre enfant a fait preuve de bonne volonté. Je vais donc, sans me décourager, continuer ma petite comparaison au point où je l'avais laissée. Je disais que la certitude d'aller un jour, loin du pays triste et ténébreux, m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais au fond de mon cœur des aspirations vers une région aussi belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé, ainsi je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais, ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pêcheurs, me disent en se moquant de moi. Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort, qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Mère bien-aimée, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne veux pas en écrire plus long, je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine, mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face. Mais je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour ? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créateurs, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si, par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder, si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Ma mère bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve. En effet, si vous jugez d'après les sentiments que j'exprime dans les petites poésies que j'ai composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de consolation et pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Parfois, il est vrai, un tout petit rayon de soleil vient illuminer mes ténèbres. Alors l'épreuve cesse un instant. Mais ensuite, le souvenir de ce rayon, au lieu de me causer de la joie, rend mes ténèbres plus épaisses encore. Oh, ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plus tôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongée dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour.